C'est une histoire universelle, celle de la vie qui s'en va, qui nous est dépeinte avec crudité, mais surtout avec une infinie tendresse. Et Édouard, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose « Kalpa impérial », un roman fantastique signé Angelica Gorodischer. Rassemblé en une vaste fable au relent d'éternité, voici l'histoire du plus grand des empires, celui qui a toujours survécu et renaîtra sans cesse. À travers ses gloires et ses déchéances, c'est la saga de toutes les grandes puissances du monde qui prend forme, convergeant en un récit unique, grandiose et captivant. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Spatial, appel à une désobéissance créatrice à l'œil de poisson, une exposition de Michel Gagnon au pavillon Desjardins et de l'idée au geste, cet univers à découvrir à la maison Amel Bruno. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Vous écoutez l'Aérospatiale, le magazine radiophonique sur les arts visuels à Québec. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tiane Lafrance qui est avec vous pour la prochaine heure pour une émission tout en art actuel cette semaine. Nous allons d'abord recevoir la directrice de l'Œil de Poisson, un centre d'artistes incontournable à Québec, et c'est pour parler de l'appel de dossier en cours qui, justement, cherche à déboulonner l'institutionnalisation de l'art actuel. Ensuite, notre chroniqueuse Anne-Sophie Homer nous partagera ses impressions de l'exposition « Diversité et sensualité du Jardin des délices, espace érotique » qui est présentée par l'étudiante Michèle Gagnon à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Nous allons en apprendre un peu plus sur les œuvres qui se cachent derrière ce titre évocateur. Enfin, nous allons nous entretenir avec Nathalie Racicot, qui est commissaire de l'exposition « De l'idée au geste », cet univers à découvrir, qui rassemble les œuvres de Carole Baillargeon, Sonia Beauchesne, Samuel Breton, René Derouin, Marcel Marois, Martin Bureau et Amélie Proulx, à la maison Amel Bruno. Mais pour l'instant, nous allons prendre une petite pause musicale. Donc, la proposition de Simon Roy cette semaine, c'est June or July, qui est un projet du Barcelonais José Unerman. Donc, au retour, on s'entretient avec Émilie Roy. We'll be right back. Alors, nous venons d'entendre un extrait de la pièce audio An Observation Part 3 et on retrouve en studio Émilie Roy, directrice générale du Centre d'artistes L'œil de poisson. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Donc, je t'ai invitée à venir parler de l'appel de dossier qui, ma foi, est un peu différent, je dirais, les appels de dossier qu'on retrouve normalement, à l'œil de poisson ou dans d'autres centres d'artistes, parce que cet appel de dossier-là, qui s'appelle pour une désobéissance créatrice, se veut beaucoup plus libre et se veut aller à l'encontre un peu des appels de dossiers qui sont normalisés. Oui, c'est exactement ça. En fait, L'œil de poisson a fait une réflexion cette année sur comment il fonctionnait. Et puis, on est arrivé au constat que en se professionnalisant, on s'est aussi institutionnalisé. Et donc, on a créé des formats. Des formats d'exposition. Oui, on a les plages d'exposition qui ont toutes la même durée. Les espaces d'exposition aussi qui sont quand même des contraintes. Là. Oui, exactement. Et donc, on trouvait que justement, on offrait beaucoup de contraintes aux artistes. Parfois, la contrainte est inspirante, mais là, on avait le goût de se libérer, en fait, de ces contraintes-là. Aller contre la contrainte. Oui, mais en tout cas, de s'en libérer. Puis, on est toujours en train, en tout cas, L'œil de poisson est toujours en train de dire qu'il est un centre d'artistes où on favorise le risque. Oui. Et finalement, dans nos façons de faire, on a quand même constaté qu'il y avait de moins en moins de risques qui étaient pris. Mais il y a un certain confort qui s'installe, les places Exactement. D'exposition toujours au même endroit, les budgets qui sont toujours les mêmes, qui sont plus ou moins toujours les mêmes octroyés à toutes les places d'exposition. Ouais. Donc, il y a comme une espèce de format qui s'est fait avec le temps, puis c'est fait avec le temps. Ouais. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. Ça s'est fait avec le temps, puis c'était pas une mauvaise chose. Parce qu'on en avait besoin. On avait besoin de se professionnaliser. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, on a 30 ans. On est 30 ans plus tard par rapport à l'œil de poisson. Et donc, on se dit, ben là, il est peut-être temps d'aborder d'autres axes qu'on n'a jamais abordés. Et puis, on a voulu nous-mêmes se libérer. Alors, je ne suis pas sûre que ça va nous libérer. Je pense que ça va nous complexifier. C'est une charge de travail qui, pour les travailleurs culturels qui travaillent à l'œil de poisson, va être beaucoup plus grande. Oui. Et on peut moins s'attendre aux tâches qu'on a à faire. Là. Exactement. Fait que c'est vraiment... On demande beaucoup aux artistes, mais là, on a voulu se le demander aussi à nous-mêmes. C'est un exercice qu'on a voulu... pas intérioriser, là, mais tu sais, ce... De transférer aussi les mains des travailleurs, travailleuses culturelles. Dans nos manières de faire. Alors, c'est sûr que ça va forcément impliquer beaucoup de travail, une révision de la programmation qui est complètement différente. Parce qu'en fait, l'idée est bien de s'adapter au projet des artistes et de ne plus demander aux artistes de s'adapter au projet de l'œil de poisson. Fait que c'est vraiment une approche qui est complètement différente. Elle va amener, je l'espère, à des propositions plus que farfelues. On n'est pas forcément dans la question du farfelu, mais dans peut-être des nouvelles propositions, des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui. Oui, donc on cherche à créer de l'innovation parce qu'en art actuel, on sait, l'art contemporain, l'innovation, c'est un élément qui est important quand même. Ouais. Donc, on cherche par cet appel de dossier-là à aller stimuler ce pouvoir d'innovation qui est dans l'art actuel. Oui, exactement. Puis c'était aussi le temps d'offrir aux artistes des possibles qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on parle toujours en termes d'exposition. Ouais. Et moi, j'avais envie un peu pour ce projet-là de bannir le terme d'exposition. J'ai plus envie qu'on parle de projets et les projets peuvent prendre toutes les mesures possibles, toutes les dimensions possibles et je voulais pas les contraindre parce que je veux que l'œil de poisson prenne la mesure des projets dans ce qu'ils sont au niveau temporel, au niveau des moyens financiers, au niveau du temps qui est à investir là-dessus. Donc c'est nous qui allons nous adapter au projet plutôt que l'inverse. Ça, je pense que c'est assez novateur. Je ne suis pas sûre que ça se fasse ailleurs. C'est très risqué. Oui, c'est, oui, oui. Ben, on, ben, c'est la prise de risque, c'était un des éléments que j'avais pris en note. C'est une prise de risque qui est énorme pour le centre. Oui, qui est très grosse. Oui. Parce que quand on parle d'institutionnalisation, on parle aussi de critères de qualité aussi qui viennent de la part des bailleurs de fonds et autres, et le public également qui viennent évaluer également ce qui se passe dans la programmation. Donc, cette prise de risque-là, il y a quelque chose, on se retrouve un peu au bord du vide, là. Oui, ben c'est sûr qu'on va composer avec ce qu'on sait, avec ce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui. Donc, il y a une grosse prise de risque. Il y a surtout une prise de risque dans... Ben pas dans la qualité. Moi, je crois beaucoup en la qualité du travail, peu importe, de quel artiste. Ben, c'est une confiance aussi. Ouais, c'est vraiment l'idée de faire confiance aux artistes. Mais c'est la prise de risque, c'est de dire comment on va pouvoir mettre ça en place et quels vont être nos moyens, parce qu'en ce moment, on ne sait pas encore quels seront nos moyens pour dans 2 ans, parce que c'est finalement cet appel à projet, il est pour l'année prochaine. Donc, on ne sait pas encore ce que seront nos moyens et on espère surtout soutenir à la mesure de chaque projet. Donc, évidemment, il y aura forcément des projets qui pourront nous intéresser, mais devront passer à la trappe, malheureusement. Oui, parce que c'est un appel à la liberté, mais c'est aussi un appel à l'envergure, mais il faut y aller aussi à la mesure des moyens d'un centre d'artistes, Exactement. Des moyens financiers qui sont offerts et de temps et de et d'énergie. Forcément. Mais au-delà de ça, on s'est promis d'analyser chaque projet par rapport à ce qu'ils sont et peut-être de proposer un financement particulier ou en tout cas de s'y adapter. Donc ça se peut aussi qu'on revoie la mesure du projet tout simplement parce qu'on le trouve intéressant et que finalement, au lieu que ça soit, je dis ça comme ça, mais au lieu que ce soit un festival de 15 jours, bah, peut-être que ça pourrait être une représentation de 3 jours. Mais il n'en sera pas moins qu'il y aura quelque chose à voir et à... Avec la liberté vient la souplesse aussi. Donc, oui, la souplesse de la part des artistes, la souplesse de la part du centre. Et ça devient comme une espèce d'espace de négociation Ça va être un espace de négociation parce que les projets qui vont être retenus, ensuite de ça, on compte rencontrer chaque artiste et parler du projet un peu plus en profondeur et à négocier ensemble quelles vont être les contraintes, en fait. Quelles sont, en fait, les contraintes? C'est surtout financier la plupart du temps. Les contraintes sont financières, mais en même temps il pourrait y avoir aussi encore une fois des contraintes de temporelles auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Mais donc tout ça va être sous la négociation. Et moi, c'est ce que j'aime en fait particulièrement à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans le milieu des arts. Ce que j'ai toujours aimé, c'était la discussion. Oui. C'était la discussion avec les artistes. Et dans le cadre dans lequel on est, dans le confort dans lequel on est, je trouvais que je manquais beaucoup de dialogue avec les artistes. Et c'était un problème pour moi. Donc j'ai envie aussi de remettre un peu la création au centre des intentions. Ça, c'est primordial. Mais aussi de nous-mêmes en tant que centre, moi en tant que directrice, et puis même les travailleurs culturels qui travaillent à l'œil de poisson, simplement de discuter d'art avec eux. Donc, il y a quelque chose aussi du mandat commissarial qui s'insère un peu dans le mandat du centre d'artistes. Donc, on s'inspire un peu de la définition du travail commissarial et de faire du centre d'artistes un peu plus comme un commissaire d'exposition? Ben, en fait, oui puis non. Tu sais, dans l'idée que c'est sûr qu'il y aura une part... Bon, c'est sûr qu'il y a une part de commissariat dans le sens qu'il y a une sélection, qu'il va y avoir une réflexion. On espère un accompagnement aussi adapté. En fait, c'est vraiment prendre la mesure de projet et s'y adapter tout simplement. Et ensuite de ça, l'idée, c'est vraiment d'être dans un laboratoire. Donc, pas tant d'une relation de commissaire à artiste, mais bien plus de dire vous avez un espace, utilisez-le et utilisez-le comme vous le souhaitez et nous on va essayer de mettre les moyens les plus adaptés pour vous. Donc, un espace laboratoire, comme tu dis. Donc, le centre d'artistes L'Œil de Poisson, avec cet appel-là, souhaite encourager vraiment un art qui est expérimental. Tout à fait, oui, exactement. Et un art qui est subversif, pardon, j'ai lu tout croche. Donc, le centre d'artistes comme un laboratoire, mais aussi comme un espace de résistance, en quelque sorte. Ben, oui, en tout cas, comme un espace où désobéir, comme le dit le titre. Oui. Parce que c'est ça, en fait. C'est vraiment une invitation à désobéir. C'est une invitation à faire... à créer comme on a envie de le faire sans contrainte. T'sais. Dans l'idée, on se rend compte quand même qu'on participe. Quand on est étudiant, on fait partie d'une école. Ouais. Cette école-là, elle nous formate, veut pas, peu importe. Ouais, ouais, tout à fait. Ensuite de ça, on rentre dans un milieu. Ce milieu a ses propres codes. Mm-hmm. Ça nous formate. Et donc, dans l'idée, vraiment, cette année, c'est de désobéir à ce formatage. Simplement de dire, OK, ce milieu-là, il a cette forme, mais moi, je vais en inventer une autre. Alors, Émilie Roy, directrice de l'Œil de Poisson, merci beaucoup. C'était une très belle façon de terminer l'entrevue. C'est jusqu'au 8 octobre que, pas seulement que les artistes, mais tous, attendez un peu, il faut que je retrouve la formulation. Donc, artistes, collectifs d'artistes, commissaires, conférenciers, critiques et toute personne se proclamant comme telle, donc sont invités à envoyer un dossier à l'Œil de Poisson pour pouvoir y proposer n'importe quelle forme d'événement. Allons-y comme ça. C'est jusqu'au 28 octobre. Oui, jusqu'au 28 octobre pour envoyer votre appel, votre dossier à l'appel de dossier de l'Œil de Poisson. Alors, bonsoir, Émilie. Merci à toi. Bonsoir Anne-Sophie Homer. Bonsoir. Très grand plaisir de te revoir en studio. Donc, tu es allée voir l'exposition « Diversité et sensualité du Jardin des délices, espace érotique ». Et moi, j'ai promis aux auditeurs et aux auditrices en début d'émission qu'on allait comprendre un peu plus ce qui se passe derrière ce très long titre évocateur, parce qu'il y a du stock dans ce titre-là. Là. Effectivement, donc c'est une exposition de Michel Gagnon. Michel Gagnon est tout fraîchement diplômé d'un baccalauréat. Donc je te dis pas de bêtises, un baccalauréat en art visuel et médiatique. Et donc là c'est une exposition. Elle a répondu à l'appel à dossier de l'université pour le pavillon des jardins. Puis du 1er au 20 octobre, on découvre cette exposition avec ce nom si long. Et j'ai dû. Oui. Donc pourquoi un titre aussi long finalement ? Qu'est-ce que ça nous cache ? Mais déjà, espace érotique, on a des indices quand même sur la teneur de l'exposition, les sujets qui sont abordés, là. Oui, c'est vrai. Donc, elle est partie de photographies du 20e siècle qu'elle a retrouvées pour justement faire des lithographies, des gravures à partir de ces images. Elle n'était pas tant intéressée par la sexualité, mais plutôt par cette sensualité, cet érotisme qu'on retrouvait dans l'image, dans la photo, et surtout le rapport avec le regardeur de la photo, souvent peut-être le photographe, et on le retrouve dans ces images dans ces œuvres qu'elle a créées. Et ces œuvres ont été créées, j'ai l'impression que c'est elle qui a fait son papier. Oui, il y a l'air d'avoir du papier. Oui. Il y a aussi certains papiers qui sont exposés à nu, là, sans estampe dessus. Il y a vraiment une sorte... La sensualité et l'érotisme, j'ai l'impression qu'elle continue avec le support, avec le papier. Et ne serait-ce que même en estampe, en lithographie, moi je trouve que c'est un procédé extrêmement sensuel avec... Tu sais, c'est très long, c'est vraiment... On part d'un dessin, et puis voilà, justement, elle est partie d'une photo, mais elle a dessiné pour ça, sur une pierre, tous les procédés, la longueur, plus si elle a fait elle-même son papier, t'as envie de toucher, c'est doux, c'est tout un ensemble qui c'est donne de l'ordre de la manipulation, la lithographie aussi, oui, vraiment. L'estampe en général, sauf l'estampe numérique, je dirais, il y a ce contact avec la matière qui est très, très important. Oui. Énormément. Les jeux avec l'encre, avec les matières, avec c'est tous des procédés chimiques en lithographie, entre l'huile et l'eau, des rejets l'un contre l'autre. Ça se prendrait un temps. Un autre aspect, je te coupe, on passe à autre chose. Un autre aspect qui rejoint beaucoup les sens quand on parle de sensualité, c'est pas nécessairement de sexualité qu'on parle, c'est qu'on entre dans l'espace d'exposition et on sent l'odeur des feuilles mortes. Oui, c'est parce vrai. Parce que dans l'installation, il y a différentes vanitas, presque. Oui. On dirait une nature morte par certains aspects. Elle a même créé des objets en fait en céramique, ça c'est important aussi de le préciser. Et puis, dans certains servent de pot de fleurs, parce qu'effectivement, on retrouve des choses, des plantes finalement séchées dans son exposition. C'est un petit peu un mélange et une approche justement pour ce côté jardin des délices, j'ai l'impression. Oui. Le côté plus jardin et un petit peu moins sensuel. Et puis c'est sûr qu'on associe aussi les fleurs à la sexualité quand on explique aux enfants comment on fait les enfants. Il y a toujours des liens à faire aussi. Là. C'est vrai, c'est vrai. Et puis même dans ces céramiques sur la gauche dans l'exposition, quand vous rentrez, vous avez ces deux bustes. J'ai l'impression que là, c'est un autoportrait à reconnaître. J'ai l'impression de retrouver le visage de l'artiste dans la céramique. Et par-dessus, un travail incroyable de coquillages, de fleurs. C'est une précision. Exactement. C'est une précision, c'est délicat. Et j'ai l'impression que là, on a retrouvé vraiment tous les éléments du titre en allant de prendre le temps de voir chaque œuvre une après l'autre. Donc, on est vraiment à fleur de peau. Il y a comme une végétation à même la peau de ces bustes-là, de ces personnages-là. Puis, il y a une espèce de d'impression aussi d'attraction-répulsion. Il y a quelque chose d'un peu repoussant, mais en même temps, on est très, très attiré parce que c'est un travail très délicat, très fin, avec des couleurs très, très douces. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça. Il y a cette, je dirais presque un monstre marin, celui avec les coquillages qui pousse. Donc, le côté, effectivement, repoussant par rapport à la beauté, à la sensualité du reste, mais on est quand même attiré, c'est beau dans la laideur, ouais, ça pose question. Puis il y a également une autre partie dont je voulais parler pour la sensualité, c'est à un moment on est amené à passer des gants pour feuilleter une édition qui est tellement délicate, tellement belle, on sent que c'est très fin. Puis elle a également mis des petites céramiques, dont une boîte avec un sein dessus. Oui, petit étang, oui, pour la ça. Poignée, c'est oui. Le petit étang. Et je trouve que c'est très fin, c'est très délicat. Et puis là, dans ce livre d'artiste-là qui est exposé, il y a aussi quelque chose du registre de l'intime un peu plus, parce que quand on regarde, parce qu'il y a certaines images où la sexualité est très, très explicite, là, on se le cache pas. Ah, c'est des images qui sont tirées dans tu disais de photographie érotique du 20e siècle. Donc on voit carrément là, des actes sexuels très très explicites, mais de le voir dans un livre comme ça puis de le feuilleter en image, il y a quelque chose de plus intime, quelque chose qui relève un peu plus du peut-être du voyeurisme, je ne sais pas, de découvrir à chaque image l'image qui se cache derrière la page. Donc, il y a quelque chose d'un contact qui est très, très différent de ce qui est encadré au mur, sous les projecteurs. Oui, c'est vrai. Il y a cet aspect, effectivement, quand tu tournes les pages. Mais j'enlèverais peut-être l'aspect voyeuriste parce que c'est vrai qu'on... On peut apercevoir des détails, mais tout rentre dans un ensemble. Et puis, oui. Dessus, on a un papier à motifs avec des fleurs bleues et puis des motifs gris par la suite. Et le jeu du papier, effectivement, déplace notre regard, j'ai envie de dire. Sur la texture, c'est ça. Mm-hmm. On fait moins attention à un sexe au milieu de l'image que parfois à se dire « Oh, quel beau papier !» ou « Quelle belle encre !» Les différentes textures, les différentes épaisseurs, les différentes qualités de papier qui sont utilisées. C'est vrai qu'il y a vraiment un contact qui est, encore une fois, on parlait de sensualité qui déborde le sens de la sexualité. Donc, une sensualité qui se rapporte là, au toucher du papier. Aussi, là. Oui. Donc, c'est une très, très belle expo. Donc, on disait un livre, des céramiques et un espace qui nous fait découvrir une imagerie autant qui va chercher dans l'érotisme, mais également dans la flore. Donc, on a aussi l'évocation des fleurs littérales. Il y a des fleurs qui sont exposées, installées dans l'exposition, mais aussi des fleurs qui sont reproduites sous forme de gravure. Oui, tout à fait. Et donc, ce bel ensemble, cette exposition est vraiment différente de ce que j'avais pu voir de Michel Gagnon, justement, lors de son exposition du baccalauréat, puisqu'elle a tendance à avoir un travail plutôt sur un travail personnel. Son travail, ses œuvres, les dernières, étaient autour de sa maman. Ici, on a vraiment... Elle sort de sa zone de confort. On sent qu'elle teste des choses. Elle teste les papiers, elle teste les différentes sortes d'estampes, elle teste la céramique, puis... ce qui est fou, c'est qu'elle teste parce que c'est une étudiante, mais on a l'impression déjà d'avoir quelque chose de tellement avancé. Oui. Pour une jeune étudiante, c'est une vraie surprise. Oui, donc un très, très beau travail à découvrir à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval et c'est jusqu'au 20 octobre. Merci beaucoup, Anne-Sophie Homère. Merci à toi de m'avoir reçue. CKRL, communication, culture. Le 27 octobre, l'Halloween, ça se fête à la Korrigan, dans un décor macabre de circonstances. Concours de décoration de citrouille, concours de costumes, prix de présence, bière à la citrouille et autres cocktails et shooters monstrueux. Dès 22h, la piste de danse s'anime au son du groupe The Black Coffees. 5$ à la porte, gratuit pour les gens costumés. Brasserie artisanale La Korrigan, 380 rue Dorchester. Du 14 au 20 octobre, Lorraine Côté nous propose sa vision de l'œuvre de Bernanos, Dialogue des Carmélites, une production définissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Vous, les ci-devant religieuses du monastère de Compiègne, attendu que vous avez formé des conciliabules contre-révolutionnaires, entretenu des correspondances fanatiques, que vous avez hébergé des prêtres réfractaires et des immigrés, en vertu des décrets de la République, vous êtes condamné à mourir sur l'échafaud. Fait le 28 de Messidor, an 2 de la République. Dialogue des Carmélites. Réservation au Théâtre du Conservatoire au 418-643-9833. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Club, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors, Nathalie Racicot, bonsoir. Bonsoir. Donc, Nathalie Racicot, tu es commissaire de l'exposition « De l'idée au geste, 7 univers à découvrir ». Et puis, on parle de 7, le nombre 7, parce qu'à l'oral, ça ne paraît pas nécessairement. Donc, c'est présenté à la maison Amel Bruneau. C'est une exposition qui présente le travail des artistes d'une autre manière. Oui. Un peu, on est un peu plongé dans l'arrière-scène, si absolument. On veut. Absolument, oui. D'où est-ce qu'est venue cette idée-là de monter l'exposition? J'imagine que c'est une idée qui a mûri pendant des années, mais d'où est-ce qu'est venu le germe de comme je vais faire une exposition sur le processus créatif? Bien, en fait, je pense que c'est en 2015. J'ai visité, j'avais à rencontrer Nicole Bourgault qui habite qui habite Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est dans son atelier. Puis je la rencontrais pour une exposition sur son père. Et donc, dans son atelier, Nicole travaille le verre et le vitrail, en fait. Et donc, il y avait sur un des murs, il y avait un immense vitrail qui représente un Sacré-Cœur. Et sur un autre mur, un tout petit Sacré-Cœur, un reliquaire finalement ancien. Et là, j'ai dit, ben voyons, ça, c'est l'inspiration du grand vitrail. Et cet endroit-là était vraiment magnifique, très, très inspirant. Puis quand je suis revenue chez nous, j'ai dit, ah, oh, il me semble que ça serait intéressant d'arriver dans une exposition où on est comme dans le secret de la démarche, où en fait, on voit le pas, chacun des pas d'une démarche artistique. Et avec... les gens de la Maison Amel Bruneau, donc Éric Dumas et Isabelle Gagnon, ils ont comme bonifié ça en me disant, écoute Nathalie, ton projet est intéressant, mais essaie donc de voir de quelle façon on peut démontrer la démarche artistique. Fait qu'il me fallait trouver des gens qui laissent des traces, des artistes qui ont un certain bagage pour justement... faire cette démonstration-là. Oui, parce que ça ne laisse pas toujours des traces. Des fois, ça se passe beaucoup, beaucoup dans la tête. Absolument. Et puis, bon, on entend une chanson à la radio, on entend ça, les artistes se laissent influencer par plein d'éléments. Mais cette expérience-là que toi, tu fais en tant que commissaire, en tant que designer d'exposition aussi, parfois, j'imagine, que d'aller visiter les ateliers des artistes, c'est un peu une façon d'offrir cette expérience-là au grand public, en quelque sorte. Oui, puis je me faisais plaisir. Oui. Hein? Je me faisais plaisir parce que moi, j'ai envoyé des courriels, tu sais, à René Derouin, j'ai envoyé des courriels à des gens que j'admire, des gens que j'aime, dont j'aime le travail, et je me suis pas laissée, j'ai pas cloisonné ma recherche. C'est-à-dire que, comme je travaille aussi en métier d'art, ben c'était, pour moi, c'est tout à fait naturel de faire un pas vers des gens qui sont créatifs. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai fait des recherches sur différents plans, puis j'ai eu le bonheur d'avoir des acceptations très rapides, là. Donc, il y avait pas de pudeur de la part des artistes, de « Oh non, je veux pas trop montrer les derrière de l'œuvre d'art, je préfère que les gens aient seulement qu'accès à ce qui est terminé, parce que c'est pas tout le monde qui voudrait, ça peut être un peu dérangeant aussi, là, pour certains artistes de se faire fouiller un peu là-dedans. Oui, un peu des... oui, puis en fait, j'ai rencontré chacun des artistes au moins 2 heures et chez eux, dans leur atelier. Et donc, ils m'ont bien sûr raconté des pans de leur histoire esthétique, histoire personnelle aussi. Et pour certains, ben effectivement, il fallait montrer des choses qui sont pas nécessairement réussies ou des œuvres qui sont pas nécessairement... si je prends l'exemple de Carole Baillargeon, j'ai fait sortir de son corpus une œuvre. Quand elle l'a réalisée, ça y a pris du temps à réaliser cette œuvre-là. Moi, je la trouve très belle. Elle évoque pour moi une sensualité, une séduction, la matière aussi, le travail de la sculpture et tout ça. Mais pour elle, c'était une œuvre qu'elle a eu beaucoup de misère à mettre au monde. Mais c'est intéressant parce que, pour expliquer un peu aux auditeurs, aux auditrices, c'est que chaque œuvre est présentée, mais il y a des éléments qui démontrent un peu tout le processus qui a mené l'artiste à réaliser cette œuvre-là. Et celle de Carole Baillargeon dont on parle, il y a beaucoup d'éléments là, qui viennent accompagner l'œuvre. Absolument. Ah oui, puis on voit à quel point Carole a été toujours inspirée par l'aspect du flétrissement, la fleur qui flétrit, et puis cette histoire. Chaque œuvre, finalement, a une histoire à raconter. Pour dire aux auditeurs aussi, ce qui est important de souligner, c'est que la stratégie visuelle à l'intérieur des salles, c'est t'as l'œuvre et à côté de cette œuvre-là, t'as une vignette qui, elle, est différente. C'est une vignette en vinyle, la vignette est plus grosse. Ouais. Et donc, ça, c'est l'œuvre principale. Et tout autour, t'as les traces. Mm-hmm. Donc, le cahier de croquis, des citations. C'est important de... Moi, j'ai aimé construire cette expo-là avec aussi des textes que les artistes ont... C'est des gens extrêmement intelligents parce qu'il y a une intelligence où, là, ils ont été puisés dans une lecture qu'ils ont fait. Donc, il y a toujours une réflexion. Scientifique, absolument. Oui, toujours une réflexion très, très approfondie derrière les œuvres d'art, oui. Mais on ne la voit pas. Une œuvre, ça reste la pointe d'un iceberg. Absolument. Et de pouvoir avoir accès à ce processus-là, tant dans les objets que dans les idées. Il y a quelque chose qui vient enrichir l'œuvre d'une manière quand même assez incroyable. Absolument, absolument. Puis c'est le fun. La plupart des artistes que j'ai rejoints avaient comme déjà un projet. Une proposition. Avaient une proposition. Okay. Ouais, j'ai justement une œuvre. T'sais, il me disait donc ça, les propositions sont principalement venues des artistes parce que ça faisait partie de mes questions en banque à venir là. Donc est-ce que en tant que commissaire toi t'es allé visiter les ateliers en disant ok c'est celle-là ou c'est surtout les artistes qui ont comme flashé en faisant ah ok ce projet-là je pense que cette œuvre-là il y a beaucoup de matière. J'ai de la documentation, mm-hmm. J'ai des œuvres précédentes. Ouais, il y a ben en fait il s'est passé différentes choses. C'est que, imaginons, parce que sur cette expo, j'ai Sonia Beauchesne. Sonia Beauchesne qui travaille en joaillerie contemporaine. Oui. Et donc, Sonia a eu la chance en 2018 de partir en résidence, mais de faire deux résidences consécutives. Tu sais, c'est ça, deux résidences consécutives en Espagne. Et j'ai dit à Sonia, ah, ça te tente-tu d'être sur l'expo? Et ça serait intéressant de voir ta création, on va choisir une œuvre quand tu vas revenir, mm-hmm. Mais ça va être intéressant de voir, bon, avec quoi tu es parti, tout ça. Puis on fait finalement un peu, on a comme l'historique de son voyage, d'une certaine façon, ses pistes de recherche. Donc, elle le savait déjà avant de partir en résidence et avant de réaliser son œuvre qu'elle allait en garder des traces pour cette exposition-là. Oui, absolument. Mais je pense que pour Sonia, elle n'a pas changé sa façon de travailler. Non, elle n'a pas changé sa façon de travailler, donc c'était assez simple. Il y a Martin Bureau qui, lui, je trouvais intéressant. Je disais, écoute, parce que j'aime beaucoup, j'aime cet artiste-là, il nous fait réfléchir, il nous met sur le bord d'un abîme, humanitaire, tu sais. Puis là, j'ai dit, écoute, et lui, il m'a proposé, il dit, écoute, je vais faire une œuvre. Je vais la faire, puis on va faire du stop motion. Donc, je vais filmer chacune de mes journées d'atelier, ce qui est super intéressant parce que tu as l'œuvre à droite, et puis c'est-à-dire qu'à droite, tu as justement le stop motion de l'œuvre en processus. Puis, ben on a mis ça avec en relation avec un documentaire qui a terminé, qui a présenté cette année. Donc, on voit que les artistes travaillent avec beaucoup de cohérence. Beaucoup de cohérence. Oh oui, ben oui, c'est ça, c'est intéressant parce que justement, là, on a Martin Bureau qui allie une pratique de peintre et une pratique de documentariste. Ouais. Puis c'est intéressant de voir une de ses œuvres vidéo, une de ses œuvres picturales mises ensemble parce qu'au premier abord, on peut peut-être pas voir nécessairement de lien entre ces deux pratiques-là, mais on finit par comprendre aussi cette espèce d'inquiétude sous-jacente qui est dans le travail de Martin Bureau, là. Ah oui, absolument, parce que en fait, son œuvre, son documentaire Bonfire, qui est une œuvre où il y a du feu, où l'installation de chacun des feux dans la ville de Dublin pour souligner un 12 juillet, souligner une fête où les catholiques ont remporté sur, en tout cas... Oui, c'est la guerre entre catholiques et protestants. Protestants, voilà. Qui tire et donc, à l'histoire d'Irlande. C'est ça. Donc, c'est des feux faits à partir de déchets. Sur l'œuvre qui nous présente son œuvre principale dans l'expo, ben c'est aussi un grand l'eau. Oui, qui c'est lui, un grand vortex. Un grand vortex qui lui apporte. Donc, il y a une espèce de rapport aussi. Là, je réfléchis à voix haute en te parlant, Nathalie Rascot, mais il y a une espèce de rapport aussi entre ces espèces de tours de déchets de bois qu'ils font dans les airs et ce vortex qui vient creuser. C'est ça qui. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est de réaliser que les artistes eux-mêmes, puis ça, j'étais contente, c'est qu'ils n'avaient pas fait de lien. Parfois, il ne faisait pas certains liens d'une histoire qui était arrivée plusieurs années auparavant. Mais c'est internalisé. Ouais. Mais on va poursuivre cette réflexion-là après une petite pause audio. Donc, on poursuit notre entrevue avec Nathalie Rascot au retour de la pause. Nathalie Rascot, de retour en studio donc pour parler de l'exposition de l'idéogeste, cet univers à parcourir. Merci. Donc, il y a un titre d'exposition qui est quand même assez long, mais qui en dit beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans l'exposition. Donc, une exposition où on plonge dans tout le processus de création des œuvres. Donc, il y a 7 artistes dans cette exposition-là. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement chacun des artistes? Là, on en a déjà nommé quelques-uns, mais on pourrait peut-être faire le tour là, pour donner une bonne idée. Alors, en premier lieu, vous allez voir l'univers de Samuel Breton, qui a travaillé estampes et vidéos. Ensuite, donc, on l'a dit tout à l'heure, Martin Bureau avec peinture et documentaire. Ensuite, Carole Baillargeon, sculpture et installation. Amélie Prou, qui travaille la céramique, mais qui nous présente un projet photographique. Ensuite, il y a Sonia Beauchesne, joaillerie contemporaine, qui est jumelée avec Marcel Marois, qui est quand même un artiste international en tapisserie de haute lisse, un artiste contemporain que j'adore, qui fait un très beau travail. Et on termine avec René Derouin, qui nous présente un travail de 1%. Oui, c'est intéressant. C'est le seul qui fait ça. Et puis, mais moi, en tant que visiteuse, j'ai comme ressenti une espèce de frustration parce que on a la maquette, on a les photographies, mais on n'a pas accès à l'œuvre en tant que telle. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Puis, après réflexion, puis tu sais, en période de montage ou en tout cas de choix d'œuvres et tout, j'ai réalisé que ça aurait pu être intéressant aussi de mettre une œuvre de M. Derouin, tu sais, pour vraiment situer la même chose. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont. Mais c'est intéressant parce qu'on sent que dans ton travail aussi de commissaire, il y a une volonté aussi de ratisser large, d'avoir quelque chose qui est très représentatif de ce qui se passe dans le milieu des arts, des métiers d'art aussi, partout au travers de la province, d'un peu tous les stades de carrière. Donc, d'avoir une œuvre d'art public avec une maquette de 1%, ça nous montre aussi qu'est-ce que c'est qu'une maquette de 1%. Ben oui, puis je trouve que finalement, c'était vraiment comme un cadeau que M. Derouin m'écrive puis il me dit, sais-tu, J'ai un projet pour toi qui a été très intéressant, très important pour moi parce qu'il dit pour créer pour des enfants, tu sais, comme il dit, l'architecte dans cette école de Saint-Eustache, c'était une école qui était en construction et donc l'architecte a pensé à un plan dans une salle multifonctionnelle de 55 pieds par 10 pieds de haut, au-dessus d'un mur vitré. Et il dit c'est très rare que les architectes font cette cette offrande, finalement, de laisser un artiste prendre tout cet espace-là. Puis il dit, pour moi, il dit, je sais que ça va être une œuvre importante. Donc, il était bien fier de ça. Puis il a archivé tout ça. Fait que, écoute, c'était vraiment très chouette, là. Oui, c'est sûr qu'il y a, tout travail qui mène à une œuvre d'art public a beaucoup, beaucoup de traces. Là. Il n'y a pas beaucoup de choix de laisser des traces parce que, justement, on a ces ensembles de croquis. On doit proposer aussi à un comité. Là. Bien sûr, bien sûr. Puis ce que j'ai fait remarquer à M. Derouin, lui, au départ, il voulait me proposer donc la maquette. Et quand je suis allée dans son atelier, j'ai dit, ah, ça, c'est très intéressant parce qu'il y avait du travail avec du découpage où là c'est vraiment ses propres, tu sais, des ciseaux qui, on voit des coups de ciseaux dans des photos, on voit ces fameux oiseaux rapaces avec lesquels il travaille, tout ça. Après ça, une œuvre un peu plus comme achevée pour ensuite être nettoyée dans Photoshop et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il a présenté, et par la suite la maquette, mais l'œuvre finale a encore des modifications. Comprenez-vous? Fait que, écoute, c'était vraiment particulier, donc, de voir tout ce processus. Oui. Mais effectivement, on n'a pas l'œuvre en face. Il faut être à Saint-Eustache. Il faut aller à Saint-Eustache. Bon, ça donne envie d'aller à Saint-Eustache pour aller voir l'œuvre dans une école primaire. Oui, oui, oui, absolument. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi derrière cette frustration que j'ai vécue au sein de l'exposition. Là, c'est pas du tout Puis pour moi, c'était intéressant de présenter le comment on crée quand on doit créer pour quelqu'un d'autre. Parce que l'art public, c'est il y a quelque chose de la commande. Absolument. Il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes, puis c'est des concours aussi. Oui. Donc, il faut comme se démarquer à quelque part. Oui. Et il y a aussi, bon, toutes les défis des matériaux, de la durabilité, la qui ne sont pas du tout l'accrochage, la même. Et tout ça. Oui, absolument. Et donc, René Derouin qui ferme un peu l'exposition quand on fait le parcours de gauche à droite. Et dans la salle qui précède, tu as décidé de présenter ensemble le travail de Sonia Beauchesne et Marcel Marois. Pourquoi ces deux-là ensemble? Bien, parce que ils ont créé... Marcel Marois, même s'il est beaucoup dans l'abstraction, une de ses inspirations premières qui a toujours été là, c'est la nature. Mm-hmm. Et pour Sonia, la nature, c'est extrêmement important. Ouais, c'est au centre de sa pratique. C'est au centre. Ouais, fait que. Et puis en plus, ça présentait des œuvres nomades. Donc, pour Marcel, il a été, donc, en 2013, il y a eu le Studio du Québec à Paris, et donc, il a été là-bas pour réaliser cette œuvre-là. Il a débuté cette œuvre-là. Ça a amené dans sa pratique de couper son carton, de faire des modifications sur un carton principal qu'il avait fait. Mm-hmm. Et donc, en termes de... pour pouvoir amener le travail là-bas, le ramener ici au Québec, c'est ça. Il y a comme toute une histoire aussi. Absolument. Donc, les deux projets se faisaient en contexte de résidence. Oui, c'est donc, ça. Donc, c'est des traces qu'il faut qu'ils se transportent aussi. Oui, des projets comme des projets nomades. Je trouvais ça très intéressant de présenter ça de cette façon-là. Et le travail d'Amélie Proulx, qui est présenté dans la même pièce que celui de Carole Baillargeon. Oui. Tu le disais tout à l'heure en présentant là, un peu tous les artistes brièvement. Elle, on est habituée à son travail de céramique. Et là, elle nous sort complètement de ce à quoi on est habitué quand on va voir une de ses expositions, par exemple. Oui, absolument. Ben, dans cette salle-là, pour moi, c'était vraiment des artistes qui ont travaillé à partir du corps. Donc, les inspirations qui viennent du corps. Et Amélie, son matériau de base, c'est la céramique. Par ailleurs, elle est extrêmement intéressée par la traduction. Et qu'est-ce qui se passe quand on traduit un texte ou quand on fait de la traduction? C'est qu'il y a toujours une légère perte d'information. Mm-hmm. Et voilà. Et donc, c'est on voit comme la suite, et ça a été aussi un projet de résidence, là, mais on voit vraiment la main qui a été son inspiration, puis... Puis elle passe par une imprimante 3D ou quelque chose comme ça, donc il y a des photos de machines, laboratoires, très, très sophistiquées, là. Oui, avec des machines CNC qui ont reproduit ses mains, qui les ont comme magnifiées, et elle a fait des coulées de céramique, et par la suite, dans une autre résidence à Sagami, elle a scanné ou photographié, en tout cas, ces empreintes-là, et elle nous rend le travail photographique. Donc, on est comme dans un territoire, vraiment sur un autre, comme ça nous amène ailleurs. On est vraiment dans quelque chose du post-humain. Là. C'est des mains qui proviennent de l'être humain, mais ils ont tellement été transformées qu'il y a quelque chose de complètement différent là, qui nous amène dans un ailleurs, qui nous semble sur une autre planète. Et on va terminer par Samuel Breton, le cadet de l'exposition, je crois. Qui nous accueille d'entrée de jeu et qui a un travail très, très, très, très éclaté, très, très ludique, très, très agréable. Absolument. En fait, moi, j'aime beaucoup son travail. Je trouve que c'est un artiste qui a un coup de crayon incroyable, indéniable. Mm-hmm. Et donc, lui, il a pensé à un déluge avec la petite maison. Il voulait participer au symposium interdisciplinaire de Jonquière, et le titre du symposium, c'était « Ailleurs et autrement ». Et lui, il s'est dit « Comment je peux représenter... » Il savait que dans sa pratique, il travaille l'icône identitaire, et donc il disait « Ah oui, la petite maison du Saguenay, c'est une icône identitaire. » Tout le monde la reconnaît au Québec. Il a fait le tour du Québec sur les photographies. Absolument. Il lit une des journaux. Et voilà. Et lui, pour lui, ça représentait le déluge. Oui. Alors, il s'est dit, comment je peux représenter en vidéo, avec ma pratique en estampe, cette petite maison-là et un déluge. Donc, il nous présente... C'est très touffu et... cette œuvre-là est très touffue, mais on est vraiment dans son univers, dans un univers d'un déluge personnel et biblique. Je trouvais que c'était super intéressant pour commencer l'exposition. Oui, avec c'est ça. Très ludique. Donc, merci beaucoup à Nathalie Racicot d'être déplacée, venue nous parler de cette belle exposition qui est présentée à la Maison M.L. Bruno, de l'idée au geste, cet univers à découvrir. Donc, c'est présenté jusqu'au 16 décembre. Oui. Merci. Merci, bonne Merci soirée. Beaucoup. Nous venons d'entendre un extrait de The Attack, toujours de June or July, ce projet espagnol proposé par Simon Roy cette semaine. Et c'est l'agenda de la semaine. En ce moment même, à vue, il y a le carrousel numéro 4, création à l'international avec Julie Bouffard. Ça débutait en même temps que l'émission à 17h30, donc ceux qui veulent s'y rendre, dirigez-vous immédiatement vers Vue, centre de production et de diffusion de la photographie. Ce soir, c'est également le vernissage de l'exposition En mouvement de Marcel Barbeau qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec, un événement rétrospective majeur de l'artiste signataire du Refus Global. Vendredi, c'est le vernissage de l'exposition Les Amas d'Annie Bayarjon, donc c'est présenté à la Galerie 3. Et durant le vernissage, il va y avoir une performance sous la forme d'un tableau vivant. Donc ne manquez pas ça ce vendredi dès 18h à la Galerie 3 sur la rue Saint-Vallier. En fin de semaine, il va y avoir la rencontre internationale d'art performance. Donc, c'est le volet 2, Amérique et Afrique, qui est présenté au lieu. Donc, il va y avoir 4 journées de conférences entièrement dédiées aux recherches des collaborateurs qui participent au projet. Donc, ils vont effectuer un retour sur les 20 dernières années en art performance dans les régions d'Amérique et les régions de l'Afrique. Et la semaine prochaine, on va recevoir un de ces artistes en entrevue pour parler plus en profondeur de cet événement majeur spectaculaire qui se passe au lieu. Et l'exposition Les Micettes de Valérie Boivin va commencer à Espace Parenthèse lundi prochain. Et c'est la dernière semaine pour voir une foule d'expositions. Donc dimanche, il y a beaucoup, beaucoup d'expositions qui se terminent. C'est le cycle de la rentrée culturelle qui tire à sa fin pour plusieurs d'entre elles. Donc, il y a L'œil de poisson, les expositions de David Martineau-Lachance et de Mégane Dickey à Vue, les expositions d'Elsa Stubé et d'Evelyne Leblanc-Roberge. Du côté de Materia, la très belle exposition d'Isabelle Demers, Anouk Desloges et Émilie Proulx, Bivouac, la bataille des fourreaux. C'est également la dernière semaine pour voir l'exposition de Julie Bellavance chez Engram. Et à la bande vidéo, va se terminer l'exposition James Bond Megamix. Vous pouvez réécouter les émissions des dernières semaines parce qu'on vous a parlé déjà de toutes ces expositions. C'est également jusqu'à dimanche que vous pourrez voir l'exposition 90 Impressions de nostalgie de Christina Fortin qui est présentée à la bibliothèque Claire-Martin en Hauteville. C'est également la fin de l'exposition de José-Louis Torres d'entrée de jeu qui est présentée dans la Galerie de la Famille au Musée national des beaux-arts du Québec. Et les passages insolites d'Ex-Muro se terminent également en fin de semaine dans le Vieux-Québec. C'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Vous pouvez rattraper la balado de l'émission sur notre page web à l'aérospatialecKRL.wordpress.com. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. J'en profite de cette fin d'émission pour remercier mes invités, Émilie Roy et Nathalie Racicot. Un gros merci à Anne-Sophie Homer pour la chronique. Merci à Jacques Gignac, le Picasso de la mise en onde. Restez à l'antenne de CKRL 89.1. Pierre Blais et son équipe vous attendent après la pause pour discuter cinéma à l'émission Situation critique. Bonne semaine et à mercredi prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. Le Festival Québec en toutes lettres accueille les souffleurs commando poétique. Les 26 et 27 octobre, devant la bibliothèque Gabriel Leroy, participez au ralentissement du monde. Levez la tête vers le ciel, repérez les artistes sur les toits et laissez-vous enchanter par les regardeurs. Par quelle montagne, rivière, tonnerre sommes-nous passés? Un spectacle gratuit pour tous. Québec en toutes lettres, la splendeur du vertige. Vous êtes immigrant et vous cherchez une formation qui vous permettra rapidement d'obtenir un emploi en grande demande? Inscrivez-vous au programme Production et gestion de la qualité en industrie offert à la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. En un an seulement, devenez un opérateur capable de travailler dans une usine de fabrication dans le secteur pharmaceutique, des biotechnologies, des cosmétiques ou des produits alimentaires et contribuez au contrôle de la qualité. Cette formation vous intéresse? Plus de détails sur le site web de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Ensemble, on avance vers de nouveaux projets de vie. La formation continue du Cégep de Sainte-Foy, nous éclairons, vous brillez. Le Théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif du Trottoir, présente la pièce « Celle qu'on pointe du doigt ». Ça se lit pas toujours dans notre face, mais quand on les voit, les criminels à TV, ils ont toutes des faces de pas de bon sens. Des dents qui se peuvent pas, des yeux cross-eyed, ben des crânes de macaque. Quoique je peux comprendre que quand t'as été le dernier à piger dans le sac à face, ça se peut que tu sois prédisposé à vouloir sauter un plomb. Mais moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Celle qu'on pointe du doigt, du 2 au 20 octobre, premieracte.ca. En octobre, voyez au cinéma Le Clap. Les Abominables Petits Pieds dès le 28 septembre. Venom dès le 5 octobre. Chair de poule 2, l'Halloween hanté dès le 12. La haine qu'on donne dès le 19. Et Maria by Callas dès le 26. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. aujourd'hui à Situation Critique, la quatrième mouture de A Star Is Born avec Lady Gaga. Un nouveau film de semi-super-héros, mais a-t-on encore besoin de super-héros? Je pense que c'est la question. Les propos de Patrick Marleau sur Venom, aussi le drame français Volontaire avec entre autres Lambert Wilson et le calendrier des films de super-héros à venir pour les prochains mois. Direct sur les ondes du 89.1 CKRL, c'est l'émission d'actualité cinématographique Situation Critique. Ici Pierre.